Petit retour sur la soirée, comment monter une campagne de crowdfunding qu'on a fait ce soir à l'ESPGG. On était une quinzaine, on a pu avoir la présence de Charlotte, Richard de KissKiss Bank Bank, qui nous a introduit à la notion de crowdfunding, ce que c'est, comment ça fonctionne. Ensuite, Julien Ehring de Tree of Science nous a vraiment présenté des projets de crowdfunding en science. Donc soit des plateformes généralistes qui accueillent des projets scientifiques ou technologiques, soit des plateformes spécialisées pour des projets de recherche. Donc il a pu nous montrer un panel de plateformes très intéressantes, mais qui sont aussi assez variées, avec une commission qui est prise au passage, du non-profit, il y a aussi toute la question. Du tout ou rien, c'est-à-dire quand on commence une campagne, si on ne la finit pas, est-ce qu'on a quand même une partie de l'argent qui a été collecté? Et donc voilà, il a pu nous faire comme ça un petit panel. Et ensuite, il y a eu énormément de questions sur les contreparties. Quelles contreparties on peut mettre en place en science? Par exemple, quelqu'un d'une association se posait les questions, nous on communique déjà, donc qu'est-ce qu'on peut apporter en plus via nos contreparties? D'autres personnes qui se sont demandé, bah, quand on fait de la recherche fondamentale aussi, qu'est-ce qu'on peut proposer comme contrepartie? Et au final, ce qui en est ressorti, c'est que le crowdfunding, ça permet vraiment de fédérer une communauté, mais aussi de créer du lien entre les chercheurs et les publics. Et les contreparties peuvent aussi se baser là-dessus. Et ensuite, la conclusion aussi qu'on a pu porter, c'est que bah, on était encore dans une phase d'expérimentation, qui a plein de plateformes qui se développent, différents projets, mais qui n'a pas une forme toute établie qui est à choisir et que bah, il faut expérimenter. Et c'est aussi le cas, on a fini là-dessus, sur toutes les questions juridiques. Il y a plein de questions juridiques qui sont soulevées et qui vont être soulevées dans le futur, et on va pouvoir y répondre petit à petit. Donc voilà, très bonne soirée bah, pour soutenir la campagne de crowdfunding Hack Your PhD aux USA. Et on a pu mettre en place aussi un petit canevas pour aider bah, les futurs porteurs de projets d'une campagne de crowdfunding. Voilà, merci pour ceux qui étaient présents. À bientôt.